Tout d'abord, avant que cette chronique sur l'histoire du cinéma commence, je tenais à m'excuser si je parle un petit peu du nez, comme on dit, car je sors d'un gros rhume, et donc c'est possible que je parle encore un petit peu du nez, donc si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Enfin bon, trêve de bavardage, générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission où nous avons parlé du thriller d'action, nous allons détailler aujourd'hui un autre sous-genre du film d'action, le film de super-héros. Commençons tout de suite par donner la définition du film de super-héros. Un film de super-héros est un sous-genre cinématographique présentant des caractéristiques du film d'action, de science-fiction ou de fantasy et mettant en scène les actions d'un ou plusieurs super-héros, individus qui possèdent des pouvoirs surhumains et s'en servent pour protéger les populations. Ces films sont généralement orientés vers l'action et ont souvent en commun la présentation de l'origine des pouvoirs des super-héros ainsi que l'apparition d'un ou de plusieurs super-vilains. La plupart des films de super-héros sont basés sur des comics. Marvel, DC et Dark Horse en étant les éditeurs les plus connus. D'autres tels que Darkman, Les Indestructibles, Incassables, Hancock, Chronicle, Megamind et, on l'appelle Jig Robot, sont des scénarios originaux. Passons maintenant à l'historique du film de super-héros. Peu après l'apparition des super-héros dans les comics, leurs aventures sont adaptées au cinéma sous forme de serial, visant un jeune public. Le premier étant le Capitaine Marvel en 1941. Par serial, comprenez film d'épisode. Film à épisode, pardon. Des serials sur Batman en 1943, The Phantom en 1943 également, Captain America en 1944 et Superman en 1948 suivent par la suite. Dans les années 50 et 60, le déclin des serials et l'instauration du Comics Code Authority met provisoirement fin au genre. À l'exception de la série télévisée Les Aventures de Superman, entre 1952 et 1958, avec George Reeves, du film de Batman en 1966, directement inspiré de la série télévisée éponyme avec Adam West, de Danger Diabolic en 1968, avec John Philip Lowe, de Mario Bava, basé sur le super-vilain italien Diabolic, et de la satire française Mr. Freedom en 1969, avec Delphine Seyrig et John Abbey. En 1978, Superman, de Richard Donner avec Christopher Reeve, est le premier film moderne de super-héros et marque le renouveau du genre en étant un immense succès commercial. Il connaît plusieurs suites dans les années 80, Superman 2 en 1980, Superman 3 en 1983 et Superman 4 en 1987. Mais celles-ci ont de moins en moins de succès. Cette série de films Superman avec Christopher Reeve est l'exemple typique de ce qu'on appelle serial dans le monde du cinéma. Supergirl en 1984 avec Helen Slater et Punisher en 1989 avec Dolph Lundgren sont des échecs. Mais Batman de Tim Burton en 1989 avec Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans le rôle du Joker, connaît un immense succès. Dans les années 90, les productions s'accélèrent. Les Tortues Ninja en 1990 et ses deux suites, Darkman en 1990 également, Les Aventures de Rocketeer en 1991, The Shadow en 1994, Power Rangers le film en 1995 et sa suite, et Le Fantôme du Bengale en 1996, connaissent des fortunes diverses, alors que Captain America en 1990 et Les 4 Fantastiques en 1994 ne sortent même pas dans les salles. La série des Batman, Batman le Défi en 1992 avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, Batman Forever en 1995 avec Val Kilmer, dans le rôle de l'homme chauve-souris, et Batman et Robin en 1997 avec George Clooney dans le rôle de Batman, continue pour sa part à connaître le succès commercial. The Crow, en 1994, d'Alex Proyas, présente la caractéristique d'être beaucoup plus sombre et violent que les autres films de super-héros de cette époque, qui visent un jeune public. Le succès de The Crow ouvre la voie à Spawn, en 1997, et à Blade, en 1998, film le plus orienté sur l'action et dont les héros sont plus sombres. Mais c'est pendant les années 2000 que les films de super-héros prennent véritablement leur essor. Plusieurs films basés sur l'univers Marvel se révèlent être très profitables. La domination des films Marvel commence avec X-Men en 2000 de Bryan Singer et se confirme avec l'immense succès rencontré par Spider-Man en 2002 avec Tobey Maguire. Blade 2 sorti en 2002, X-Men 2 sorti en 2003, Daredevil sorti en 2003 également avec Ben Affleck et Jennifer Garner, Spider-Man 2 sorti en 2004, Hulk sorti en 2004 également, Blade Trinity sorti en 2004, The Punisher toujours en 2004, Les 4 Fantastiques, version de 2005 avec Jessica Alba, Elektra, sorti en 2005 avec Jennifer Garner, X-Men, l'affrontement final, sorti en 2006, Spider-Man 3, toujours avec Tobey Maguire, sorti en 2007, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, toujours avec Jessica Alba, sorti en 2007 également, Ghost Rider avec Nicolas Cage, toujours en 2007, Iron Man avec Robert Downey Jr., sorti en 2008, Punisher, Zone de Guerre, sorti en 2008, et X-Men Origins Wolverine, sorti en 2009, dans lequel Hugh Jackman reprend son rôle de Wolverine. Ces films sont tous basés sur l'univers Marvel et remportent tous un succès commercial plus ou moins important, à l'exception de Elektra et de Punisher Warzone, qui sont des échecs au box-office. Mais c'est un film basé sur l'univers DC Comics, The Dark Knight, le Chevalier Noir, en 2008, de Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle de Batman, qui remporte le plus grand triomphe, aussi bien au niveau commercial, car il est en 2011 le film de super-héros à avoir rapporté le plus de recettes, qu'au niveau critique et à travers ses nombreuses récompenses, dont 2 Oscars. The Dark Knight est la suite de Batman Begins, sorti en 2005, également de Nolan. Superman Returns, avec Brandon Routh dans le rôle de Superman, en 2006, de Bryan Singer, rencontre lui un succès mitigé dû à un développement coûteux et extrêmement long. Watchmen, sorti en 2009, est également un demi-échec, et Catwoman avec Halle Berry, sorti en 2004, est lui un échec aussi bien financier qu'artistique. Hellboy avec Ron Perlman, sorti en 2004, et Hellboy 2, sorti en 2008, tous deux de Guillermo del Toro, sont quant à eux basés sur l'univers de Dark Horse Comics. Incassable, sorti en 2000 de M. Night Shyamalan, et Hancock avec Will Smith, sorti en 2008, sont des tentatives hors franchise. Les films de super-héros se déclinent également désormais sous forme de films d'animation avec Les Indestructibles en 2004 et Megamind en 2010 notamment. Alors que Ma Super Ex, sorti en 2006, est un mélange entre films de super-héros et comédie romantique. Les films de super-héros sont également parodiés comme dans Mystery Men, sorti en 1999, The Specials, sorti en 2000 et Superhero Movie, sorti en 2008. Je vous conseille d'ailleurs vivement ce dernier film qui est, je trouve, l'un des meilleurs films parodiques. Les films de super-héros continuent à sortir à un rythme encore plus soutenu pendant les années 2010. Parmi les films sortis dans cette décennie, nous pouvons citer Kick-Ass, Les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Deadpool, Les 4 Fantastiques, version de 2015, Suicide Squad avec Margot Robbie, ou plus récemment Shazam ou Spider-Man Far From Home. D'autres nombreux films de super-héros sont également sortis lors de cette décennie. En 2012, Avengers de Josh Whedon entre dans le cercle très fermé des films ayant rapporté plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office et détrône The Dark Knight en tant que plus grand succès commercial au cinéma pour un film de super-héros. C'est ainsi que se termine cette émission sur le film de super-héros. Dans la prochaine émission, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons d'un tout autre style de cinéma, le soap opera. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.